de Singa double XXL. Au Cameroun, au Gabon, Cotonou, Côte d'Ivoire. Oh, Brazza. Guinée, Théodore Obiangema. Comme on a eu Hervé Gola, on a voté la famille à 9 personnes. On a eu le dernier. Pour ça, ta musique, c'est par rapport au temps de Zokola, de Imana Bakoral. Et puis, maman, on a eu Marapé bien. On a eu la musique qui a été bandée à Staff London, après Staff London. On a eu la rumba des jeunes, après Wenge musique à 4x4. Na banda na wenge maison mère té wenge maison mère tant ezo salama nga na zaki wana 4x4 muto azorangai le jour nga na kotaga muto azorangai ya matsanga podio mezaki roi de la forêt wana sa bona na soko na ya fere jua mikoro zo salama na mouvement zaki fere aleli aleli a pesi emelia emelia souligné boka kolela. La tangana la kepo lo kore se tire. Papa na zangi si matando e para yo mama. Ça la paix que non jour en gros na kotaka boye ça l'inga vraiment na zomo batan ba zo quand même temps redécouvrir na muke ne zaki na kota ki tanga na kota ki vraiment na zaki très jeune na zaki na 15 ans jour na yaka na imara nzembo ya voyage tokola yo pufenga motema ya mboso awa yo koito lingana na ye ezala mbala na yo yesu ka voyage oya kopimela ngambo moyo elengi donze muna imbaka jour yango yango Alors, au moment où c'est le dernier fils né, quoi, on a un mouvement. Comme on a eu Ferre. Maintenant, on a reste pour la Ferre. Donc, il y a Mikolo Azopé Sabatiens. On a orchestre en action de Zaki, on a bandeau ça appelé animation. Jour en open à savoir à moi animation, ok, n'a n'a n'a n'a. Animation, ouais, tu as un barabata là, quoi. Si. Ma maison mère, ma bonheur est là qui, ma camo ma bébé est là qui. Na colisi musa na maison mère, peto colisi maison mère. Vraiment les gens na kendela, na loba ma bébé jamais ya roi de la forêt. Bon marqué koufa parce que fallait koufa. Malgré tout ngai na maison mère na zaki des impersonnalités après ouvert c'était moi. Mais tant au commun na marqué, na longola ye loko ana, na tchagi bena ke égalité tout travailler. Et puis, tu as vraiment amour, mais tu as un baraque, non? Tu as un orchestre à l'Ibosso, tu es pour la nouvelle génération, et ça m'a fait Awa, et tu as fait la Pega Awa. Si tu as un livre, tu as un petit peu de temps à l'arte, à côté de la Ningwa. Tu as un petit peu de temps à l'arte. Ah, mais oui, mais parce que tu as un secret dans la minute. Voilà, donc le secret, on est dans la violence. C'est le vieux, c'est la qui nous s'attend. Faut que l'amour, mon témé de connaître. Maïté, fais le cola. Andi putu, ipondeli namba, kulinga nge. koli centre d'amour na yo na elongi ya motema na ngai bolingo na ngai ezo souffrir na pollution asphyxie na ba pense ba dire ba jaloux ya kato signé degré arrêt à mon aviso to signé arrêt ya calcul des empreintes to arrêté réchauffement. Je vais faire des combos artistiquement. Je vais faire Hervé Gola. Je vais faire une famille à 9 personnes. Je vais faire dernier. Je côté maman, je vais faire 5. Des garçons, je vais faire normalement. Malheureusement, je côté maman, je vais faire 5. Donc, je vais faire côté maman, je vais faire 3e. Avec des petits frères Balami en cima. Oh, Ferré, il y a mon aîné. Bon, pour ça, il y a musique et il y a. Pour ça, il y a musique et il y a. C'est par rapport au temps où tu es au cola, tu es dans la chorale. Et puis, maman, elle est bien. Elle est bien, elle est bien dans le groupe folklorique. Kalakaka, elle est dans la chorale, tout ça. Bon. Et l'autre, c'est que les gens sont dans la sang. C'est-à-dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit orchestre mo boy andiré staff London après staff London naigo toyo sala rumba de jeunes rumba de jeunes après wenge musique à 4x4. Ah donc kenda ke na orchestre et banaté pour na bali boso côté ah oui yo côté na wenge musique à 4x4 voilà au bandana wenge maison merté té na bandana wenge maison merté wenge maison mère tant ezo salama nga na zaki wana. Wenge maison mère et salami yoza déjà na kati ya wenge maison na kati na no ambosha ki na kati ya groupe ya wenge 4x4 4x4 muto azorangai les jours nga na kotaga muto azorangai ya matanga podium ezaki roi de la forêt ouais, roi de la forêt tant muta kenda pona rosa l'examen ya kota d'entrée ba yesa ke yemba nzemo ouais boyo tant ko kenda na wenge 4x4 yemba nzemo jour na yaka na yemba nzemo ya voyage. Lokola yo pufenga motema ya mboso awa yo koito lingana na ye ezala mbala na yo yesu ka voyage oya kopimpela ngambo moyo elengi donzemu na yembaka jola moyo ngwa esali ke tango yembi yango bandimi mba moko ou bien hesitation esali parce que tango na kota ki mon orchestre na biso tozala ki na bandosa apena animation. Je suis en train de animation mouke na ndenge nanga animation ya oyo tozobaka batala quoi si. Dans l'orchestre, il y a un orchestre qui est dans l'animation. Donc, comme pour dire, chasser les naturels, il revient au galop. Ça, voilà. On en reviendra à trouver voilà. Aussi. Voilà. Ah. Donc, ça la paix qui est non jour en gros, dans Kotaka. Et ça, il y a vraiment un moment de temps. Je suis quand même temps de redécouvrir Mouke Mouke. Mouke Mouke n'est pas dans Kotaki, tant qu'on a Kotaki vraiment dans Aki très jeune. Dans Kotaki vraiment Bayaya. Donc, dans Zalaka, mais. Si c'est pas indiscret, il y a au côté de la musique 4x4 na H. Ah! Non, à côté de la musique 4x4, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Au Banga Kité, il y a un peu de temps, il y a un peu de musique, il y a un voyou, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Si na banga kango me lokwa na ebaki o ezayi ta musumwa kati nanga na mona ke peut-être na kosa quelque chose mais na banga ki à l'époque nenge sa ke no wenge nenge wenge za na réputation ke no balia ka ba tout neto yo ka ba tout ka ouais bango ba baki na bango ba sa akisi voilà mais yo ka ta akisi za na ke ndeka na ndima iga parce que bi mutu soki alingé loko. Et puis moni wenge za quand même une grande entreprise yo ezayi na Congo ke no. Oui, les cas habituels qui ne battent pas dans la photo, n'importe ça qui vraiment pour n'engager la monnaie, bon, n'a qu'au tard là, donc n'a checké à mutuba kata. Ya pasan sa mona Ça va, ok, ok. Bon, mais c'est la moitié, ma beau, retenez sous la main. Tout est chocolat, non. J'ai confiance. Rien de la jambe. On va aller l'équipement et en mouvement. Quand on ne peut pas te dire, on va aller chocolat. Aimer l'alliance de Mingongo. On a petit frère. Après dislocation, il y a Wenge 4x4, au Tikarina JBT. Bon, après dislocation, tant que vous avez déjà na Wenge, on a déjà tendance à aller du côté de la forêt. Bon, tant que Wenge Kabwani, c'est normal que nous allons. C'est normal, à l'époque, c'est qui bongo. Donc, fallait que nous allions na mona que nous avons beaucoup plus aimé sans que nous soyons sans que nous soyons obligés. Ouais, 97, donc tu as jusque 2000, tu as 3 ans, et tu as les 3 ans d'après, ça te fait 6 ans. 6 ans. Mais là, 6 ans, tu as vécu heureux hein, auprès de le roi de la forêt. Non, on a vivre un artiste seigneur, soit on va vivre un artiste. C'est-à-dire, on a une opportunité à Rosal Nzembo. Une opportunité à Rosal Nzembo, sauf au lundi, dans le premier album de Nabiso. Et ça, qui Christian Mabanga. Il y a tant que doyen, donc le premier album, Et là, on est tambour à quitter pour que faire avant d'être bien dans la maison. Tu es bon, on est sur un débit, on est bien. On est sur le bar, on est sur la vie, on est sur vivre. On est sur la moussala, on est sur la moussala, on est sur la moussala, on est sur la moussala, on est sur la moussala, on est sur la moussala, on est sur la moussala, on est sur la moussala, on est sur la moussala, on est sur la moussala, on est sur la moussala. Donc, par rapport à la moussala, on est sur la moussala, on est sur la maison mère, on est sur la moussala. Par exemple, moi je vais te donner un exemple où yo on a surpris, on a Naya kuna pèse mo répétera. Na moni moi non va venga prince. Aye a talio alobi. D'ailleurs wenge musique à maison mère. Eza ya roi de la forêt. Batumusu soso lingite là-bas. Eza ko soyo te so balobi non dira. T'es bon. Au moni tant de bana maison mère. To salaga tant de bana maison mère eza laga ba Didier Masela, ba Vena Biso, ba Adolphe, ba Tebele. Bon, mon temps, je suis prince sur le baguana. À l'époque, je suis prince sur le baguana. Je suis prince sur le baguana. Je suis prince sur le baguana. Je suis prince sur le chemin. C'est normal. Alors, je suis prince sur le comprendre. Je suis prince sur le baguana. Bref, je suis prince sur le baguana. Je suis prince sur le baguana. Parce que ça a attiré mon kilo. Ils attendent au moins ils se répètent une fois. Ouais, qu'on se le dise, de toi à moi. Na colisi musa na maison mère, peut au colisi maison mère. Ah, bon colisi maison mère. Et puis bon longwe, tu n'as pas vu que c'était un gras de votre part, la manière dont bon longwa. Té, na monango moni destin na ngai zanza me mutai bakia. Donc ça destin na ngai étant ma yin ngwa. Parce que son na longwa dité, le lobe va sans s'interdire ko gai oyati. Mais ça destin. Et ça destin. Est-ce que tu ne pouvais pas quitter gentiment dire mon vieux, où es-tu, mon vieux, na moni na moi, na na coli, na meli biberon, na meli céréal, siko na ngina lia, na kende. Et salama na orchestre mon côté depuis l'exception. Hein, non, existe. Et salama depuis ezalarati. Donc et salama te mais vraiment de ngana kende là, na loba ma be jamais à y a roi de la forêt. Ouais, Mabé, Basi Batangio parmi les trois enfants qui sont partis, Babi Wana a bien éduqué, il y a Anne Kimia, yo Basi Batangio, Balongoli Okutu. Donc, vraiment, Kokene Nangai, Nakenda n'esprit à bien, parce que na salle a mauvaise déclaration. Sauf que Nakenda n'a rien à Mabé, tout le monde a rien à te belé, n'est pas les rana TV, bah salle a mauvaise déclaration contre, bah, y a un abango, bah, travail à Guinée. So keep us in Batuna Subere. Soki na kosi batu na yangama. Ye vinde ma bandaki le lozambe a pamola ye. Kuko ma fete. Soki na kosi batu na mopawa. Papa na divina de piero le lozambe a pamola ye. Kuko ma fete. Soki posi batu na souverain. Ye vinde ma bandaki le lozambe a pamola ye. Papa no sabo a ye. C'est vrai. C'est pas la mauvaise déclaration, t'es certes, mais au début que tu as été parmi les gens qui ont mis dehors Adolphe. Oui, et pourquoi tu l'as fait? Pourquoi est-ce que quand on est dans un groupe, on est censé mettre mal à l'aise un autre artiste pour Yakele? Pourquoi est-ce que quand on est dans un groupe, on est obligé d'adorer son président? Pourquoi? Au moins, dans tout ça, il y a quatre maisons mères. Bisoto, colonne maison mère, ils ont de la forêt. Alors, nous sommes dans l'instruction, nous sommes parmi les bateaux, nous soutenir à l'époque. Donc, la raison de la Kenya, ils ont appris à faire un place à la Kenya. Et cela ne t'a pas servi d'exemple parce qu'après, au côté quand même, au sali quand même l'orchestre. Non, exemple, on a, tant que nous sommes en tourne, nous avons compris ce que l'exemple, on a, donc on a déjà, et là, on a eu pour se défendre. Comme dit la Bible, qui tu parles, peut meurt par l'épée. Non, je m'accroche à ta parole en fait. Cassia, on a l'obit. Ouais, parce que tu dis que tu étais parmi ceux. Yom te l'obit bon moti ninga loba bon. Ah bon, tu n'as pas question. Tu n'as pas question. On l'obit que non. Olobi n'a pas qu'il soit parmi. Oui, parce que Nazaraki à l'époque. Nazaraki est l'un des bantous et on a besoin de soutenir de la forêt. D'où tout de suite, comme Elio, tu as compris que c'était ton temps pour quitter. Voilà. Ah ben voilà, donc tu as dit la vérité. Voilà, on a oublié. On t'a poussé par la porte de la sortie. Doucement. Bon, vraiment, Namunara, ils ont une importance. Ils ont une importance. Ils ont une importance. Mais tu as gardé de bonnes relations avec Oera. Oui, oui, si, si. Vous vous appelez de temps en temps? Non. Non, hein? Non. Mais si on te disait aujourd'hui de témoigner sur Oera, tu... Nena lobiga gena so oza témoignage na o salat. Ndenge mo yembal bon mo. Yemo ya yembal bon mo témoignage. Ya ona zo lobat. Na zo loba parmi les tovanaki makambo malamu isalaki ya mabepe isalaki. Momoni toza mibali, hein netinga za mobali. Donc na ko loba ka te ke no ele ka ka boyeza makambo se ele ka déjà. Mais on oublie encore. Oh, ok, non, ils ont un parcours dans la vie. Ouais, quand on viendra sur ton album, on va revenir là-dessus. Pica colando a mão, põe a mão, põe a cabeça, tá chocho, faz na boi, ué, mano. Bambola moto monene Baluka la fina nga babo malabise atar Cher de poulio se danse Ye maleme malembe Tukwendi la Fige lupele la Toko koma A José Mobiala. Ferré, tu as sorti une chanson, Yalolo va peut-être m'aider pour le morceau. Après, il y a un artiste qui est sorti dernièrement, je crois que Batumi va se balancer, Serge Mouloso. Il dit que Vitaï Mana a Pesakio. Donc, c'est pour ça que Nagina Yéba. En fait, Ferré, pendant le temps que les cas dans la Wenge musique à maison mère, tu as Osala qui recourt dans le bateau Bakumaka, Bapesu Banzem, ou bien Yomorondo Vandia, le loco et sa bataille, les spectateurs vont dans le cas où ma coquille à Kokoma. Bon, au moins, Vita Imane Bima, ça fait. Ça fait combien? Et ça, il m'y connaît bien. L'équipe a né. Vraiment, il n'y a pas bien. À l'époque où il y a Bimaki, ce mouton a l'air où les TV a contesté. Mais il faut l'encourager. Mais sa carrière n'a eu rien. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il y a une initiative qui a sali vite à Imana. Pour moi, il y a des gens qui ont dit que les vieux calés sont pour bazar la société. Ouais, mais tu reconnais qu'ils ont vieux calés. Parce qu'il y a un autre. Ouais. Mais lui ne reconnaît pas qu'ils ont vieux calés. Merci. Il y a un autre. Il faut toujours reconnaître que nous sommes tel. Ah, côté, on a mis le rôle à Pépé Calé. Mais il y a des gens qui ont été vivants. Et puis, Bandimi, mais ceux qui ont limité, ils ont été en train de se faire. Donc, pour bref, pour me dire que c'est toi le propriétaire du morceau. Je suis un propriétaire Mais ceux qui ont salué Vita Imane, ils ont été en train de se faire. Tu peux faire des choses, il faut que tu aies une chance. Ata sali vita imana et simba pepo na ye et osa na ye pe bien za ma beti. Boni boni yo komi enzo mowe O komi bi palewe Na sali batouji pepo na linga kayo mingye Na komi kobeta batouka matina karte na bino Bama sa karte ba komi koto ngonga na masolo Soki na lekiye balo baka alekiye Jipe lo boko mawa alekiye Aleki mawa ake kota la simone gogo Akitie, akitie Mwanango mawoko kuta na yokusu yete Nabaye, nabaye Boko nyoso na yaka na kuta kananga kaka yete Mer niti mambote, pepe tando Sano nina na tinga mayo pona tongo Malo binga na tinga moyo pona mbongo Simon Lobelo konyango iso sombela nga kome souveni Poliana lia kase nga imoko Pola tape na lata kase nga imoko Toki papa mama teba masato salo franke na brisele nani mosusu Yozo kisi mote mananga ya jama tundu Otubinga likongande na motema alpangungu Okonza chatudu Ponini o bebi sinzoto Malukomboka Ponini o kabinde zoto na yo Mida mushi Una maloba ya kinsasa Nagini mbaki Una songi songi ya kini oyo Lengi nita ba konser bu nazo imba gabo Ah nazo kota na ba nzembo ya Ok Jazz na kati Batu ba yebi ke nazo imba ngo Sonokone Nazo imba ngo na ndenge ya mabeti Nazo imba ngo na ndenge ke ya malamu Alors, ce qui est pas aux anges, nous avons des gens qui sont là. Nous avons des gens qui sont là. Nous avons des gens qui sont là. Nous avons des Moi, je conclue que tu n'as pas envie de dire la vérité parce que le gars dit que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes Tope sa ye chance. Soge simbi ezalo kumu na ngai ke non nze munanga vita imana na yemba mutu mso yemba ngope simbi. Tout à l'heure j'étais demandé ce qui okomara. Na koma. Prevane bato bazana studio ba mona ke nazo koma nze mbomo na yemba ki vivra vera. Na koma ngo sur place na koti na yemba ngope sur place. Bravo Ferré. Le malheur poursuit celui qui pêche, et le bonheur récompense le juste. Frère et cher de Paul, écoutez ma chanson. Chanté mon galop, comme il vit pas les boyers. Combien sont vos boyés? N'a si viva touche potenga la linga kayo mingi. N'a komi kobeta ba turka matsina quartier na bino. Ba master quartier ba komi koto mouma na masolo. Soki na le kie ba lobaka le kie. Rita bola mawa ale kie. Ale ki mawa ake kota la champi. Na paye. Kwana sona yaka na kutaka na ngaka kayete Jampi mongala Balo binga na tinga mayopona mbongo Balo binga na tinga mayopona mbongo Jampi Loba eloko nina mosio soma langa kome souvenir Kolia na liaka senga imoko Kola tape na lataka senga imoko Soki jipe mindia teba master to wera sone Nani mosusu Ozo kisi mote marangai mama Ponini po baby sinzo toko Pona maloba ya kinsasa Jean-Jacques Mutuale Pona songi songi ya kini woyo Tonino Fernando Norbert Misaka, Terrano Synthétique, Sarah Mamana Benito, Jean-Marie Moulangala, Asina Hollandaise. Jean-Pi Mangala, Mwana Mabe, Yamatola Kisha, Plike Bolingo, Meminganesa, Mamoli, Mwana Ninganesalite. Jacques Mengi de London, Rita Bola, Mwana Mabe, O Baby Si Bolingo. Come minga na lunda simo ye kosuno langa na boma ye ema Selia motema ya kakol Washington ne kafei O baby si bolingo E komi loko na seri ya like like na tenten Gana uyo Mawananga imoko e Gana uyo Kolela ya orligo na Tseligo la bafrele Amina de chache Bienvenue oh mama na Joyce, oh baby si bolingo E komi lokola ndembo ya makolo imana na vita e Bilimana mazembe sanga balende lipopo Patience et la longueur du temps. Cher de poule, voilà comment tu as grandi. Jean-Louis Namous, JPS Production. Benoite, ou bien Betty ou bien la Cancrosambila. Yaninga et la Nyokolan, Sotolanga, Poya, Kolinga, Kitokona, Yoé, Chiba, Chiba, Sumawa, Yeye, Mawa, Flavia, Mila, Mawa, Balinga, Yangana, Yeteo, Mawa, Nangai, Angana. Chris Production, Dembos et Yamwamba. Chérie. etelaka nga ndako nakoma mongwa bolingo kiki na elingi koloba lokolo memama na poto asenga nakoma mongwa bolingo Jose Kombolo olingaka na yo te lorisela congolese aya kasi sheri oyebaka sheri oyebaka humiliation à maison mère. Donc en avis faut écouter dans un contre-état. Faut qu'il y ait un côté moro pe boye. Bazo humilier yo. Bazo humilier yo. Pour ta la valeur na yo pour ça la makasi au matin. Donc y'a encore basala ba ida tam sousou quelque part pour la main. Et puis boye na Londres, bobi pour ça marqué. Toi na Londres, tant on a yé, tu commis na Londres. Déjà l'idée a marqué et ça l'a rien annoté. Tant que Londres, naza première moto na kota na Londres, na kota na Paris, parce que na yaka pour na maramanga ya renouvellement. Tant on a eu mon épaisse contre temps, ne na yo zasiro idée que non bon, na bana créer ba ninga msu bazalaga awa, na bengi ba on a rassemblé, ba on a bandi ba répétition. Tant na yo yoka, que non bon, na ba ande gona bazai kuna na Londres, bazongi mais intel article bon. Pourquoi pas, tu as quelque chose tant que tu as un orchestre. Donc c'est toi qui as égaré les autres. Bon, moi, l'histoire va changer. Tu as appelé le Gamboya. Mais tu as un appareil. Tu as quand même marqué les bandes. Bon, marqué Simba, tu vois. Bon, ça, c'est un peu marqué Simba. Simba prévenu l'album Moana, il est là hit. Non, mais tu es sur la quête de poisson. Hit, c'est ça, et comme il va 8e, mais vraiment, bah, tu as besoin de temps et de belles, vraiment, à Royokamo. Donc, tu as même quelque chose pour l'axe à Keno. L'un, tu as un talent, tu as un talent. Donc, les solos marqués, tu as Guy Boston, Bobabo. Donc, tu parmi, tu as un bango, tu as parmi. Donc, tu as besoin d'après, il y a deuxième. Mais pourquoi il Koufa marqué? Bon, marqué Koufa parce qu'il fallait Koufa. Ah, il fallait? Marqué Koufa parce que fallait Koufa parce que bon ça dès le début n'est pas là tout ça fait recherche des poules la Bill Clinton la Jude T marqué T biso tant on dit marqué tout ça il avait idée on a dit malgré tout ngai na maison mère na zaki des personnalités après ouais là c'était moi mais tant on comme na marqué na longola ye lokwana na tchaki bina ke égalité tout travailler et puis tout ça il vraiment amour mais n'est pas là que non tout ça orchestre le bosso c'était pour la nouvelle génération et ça m'a payé awa et couper la pega. Ah. Tozo au moins la vérité musu les a ya le bana TVT. Fallait to kende nzela mona bill. Mais ngana zo contretemps na rata vol. Ngana zo contretemps na rata vol et ça là que non bill déjà ça kenda qui après ngana landir. Bon tant on a commis na kin bill azaki déjà na engagement au pays azaki azaki engagement musu. Tant ngana commis na kin bon na mon bill azu engagement musu na vivant. Tout solo là quand même ndeni to tout ça stratégie ani tout ça déjà un mauvais départ non mais donc mauvais départ obi ga so ba siffleté les gars non moi ça la course mais ba siffleté yo so ki manki donc on a commis na kuta déjà bien à ça l'orchestre à ça déjà orchestre na mega tout solo que tout ça la moi ba mise en place ndenge za ka na mona y vraiment na komaki na mona déjà na komaki un peu tard donc bill a ça déjà na ba engagement monsieur Moni Bill déjà tilé tout à la awa a signé déjà contrat na un sponsor na Moni donc tant on a commis vraiment que quelqu'un aussi batte. Donc tant que mobile na mona que nous comprendre, nana on débrie na luka nzela mususu na kosa. Bref, chacun a tiré la couverture de son côté. Voilà. Mais na ko yebisa secret moko lelo, ko boma ka marqué bo sa erreur. Te me. Ko te ke bo rata elo mo. Tu ratate parce que soki marqué pe za la ki. Ne ba ide mususu be limite. Tel que mais, faire à ça sans interdit, je te vois venir. Ce qui est marqué, c'est là qu'il y a un artiste qui est en train de se. Ah bon? Oui. Ben, na ide o ya marqué au biso to soka et pe sa pe parti se belé courage le loyo na ko sa pe lo. Donc ils ont ndenge biso sala ide o to sala et pe sa ide mo boye ko na batu ba sala pe maka. Et après que ko rejoindre Kofi hein. Mais vraiment faire tu m'étonnes ça. Bon, moni ndeto lo baka moni mutu so sa programme na vie moi mobile a kufa na sonite. Ouais. Alors, so la ni na marqué. Ndé na zo lo baka ke no gibo so na yebi. Nga na tekela marqué o mona ga o na tekela ngonda. Yo za o za yi. Si o za na nda ko mona. O za na kin, donc marqué o nga na tekela ngo palin. Na tekela ngonda ku, ndo mona ba clip mso marqué to sala wa. Donc nga na bimsa mbongo na poche na un certain garçon. Wa bando ko yede biso dagi na gikandolo. Donc vraiment, donc on sont nos pauvres. Donc na zonga pena donc Nathalie pena. Locataire tolo. Te na zonga locataire te pona za ina mususu. Ah, oza ina mi balé. Na za ina mususu. Mais vraiment, on a dit que nous avons sacrifié le monde pour la marque. Et puis, on a récupéré le monde pour entrer dans le parc. Non. Oui, parce que c'était un contrat, non, entre toi et Kofi. Les gens contrat, tout ça, le contrat, tout ça, les gens, ils ont fait un peu de temps. Ils ont clos à contrat, on a mis ça. Mais si tu es là, tu es là, tu es là. Parce que en fait tu comprends très vite ce que je veux dire. Frère, après le contrat est s'il gao. Après le contrat, bon, tant qu'on a déjà dès le début dans solar on a venu là. Et côté monde de comalité, tant aussi si na bilo on a banar déjà préparé. Oui. Ah bon? Na les gars même la TV na sala va dire. C'est ça le moi. Na sala les marquis des beaux garçons, tu banar préparé album. Tu banar déjà préparé album. Tu vas nous préparer déjà l'album, tu as appris quelques chansons, tu vas nous imbriquer déjà la TV. Alors, au salaire de nos contrats, na vie dans un rambo, na stopper ina non. Au stopper ou bien au tiki banana na kandiga. T'es na tika kina non. Na stopper il peut vivre rambo. Mon ami va déclarer sur la TV, il y a nos bien on la musique. Ah. Avis non malgré tout, aïe ben que non na tika qui malgré qu'on s'est rigolé la musique, mais aïe non na quartier. Voilà, aïe ben que non na tika non va petit na ngai pause. En attendant, on travaille na quartier latin. C'était très court hein na quartier latin. Les aïe très court, mais aïe a bilingue belé. Tout le canon, il y a affaire à civil l'année. Oui, pas au bout de l'île. C'est le vieux, c'est la qui nous sente. Faut-il l'amour, mon témé de connaquer. Maïté, faire école. Affaire à Sylvain, on a vanné la boule, Pour ce qu'on s'y trouve, on s'y trouve. On a évité pour bête par rapport à la différence. Il y en a. Bon, et ça va, petit bon, tu évites de te voir le bas. Abaram, on a dit Yadrigo. Bandangedi, donc Bolivou et Zara est belé, mais Zara est mogo. Patricia Lekaye, un posana kinolo likolo, atterrissage ga lobi, Anto Isai. Ayo, Lely. Ayo, Lely. Ayo, Lely. Ayo, Lely. Ayo. Zebula. Tuturuba. Okalingi, mero livre moli monanga lokolo ya ntaba. E okoki ko force moto mala ya mera tanuta poto poto. Kasi motema ya moto ba force ka yango te koeme. Nzambe atinda ki bato na mokili sans que atuna moto na moto kuna ye. Pito pale ya mokili banda wana. Iza Mathieu Bichere la to adne image. Si si si le vie azara ki na sante. Sokyo tombo kina sala kyo kikitisa Sokyo sili kina sala kiko senga parto Weza kolingo Sili vi wawawa Amile ya tongosa Sili vi asi ambele Shipe minda Sili vi wawawa Mabosa oni Si si sili vi ya sala kino sante Fote ya la mumbo teme dikona kie Naite naite E como zalanga batum pum E como drangala Silva mabanga Uangla Sala sulemane Tama viamura Saki eloka Ngaya wanaze Didi Kinwani Bele Volwa E alor Yuala so come flayana yol Afuga nye nye nye nye Bito vene Sherme tito Sole planchare Kilombo Si si si Vire azala Kino sante Kote alamun Mote me dekona Et les tristesses à qu'est de peine. Tchou, tchou, tchou, tchou. T'allais là comme si on a la nuit de salibouillé. N'allais là, j'y paye. Y'a la masse à mon âme. Si, si, si, vie est à qui l'on s'en fait. Faut-elle à l'amour, motelé, n'est qu'on a qui est. Comme il est dit, ma samba, ma pisa. Magistrat Chamala. Mami Kangara, mota. Vient en attente en Kenya et ça l'a fait bien. abimisa pe artiste mususu o artiste mususu bazale lo sala mouvement pe akoma peut-être qu'il n'était pas prêt pourquoi est-ce que toi tu dis ça non ils ont simba pour navire na tata donc ils ont sala ils ont sali que non côté na iwana sali est bien si quand on voyait na kata quartier la terre pourquoi même qui moi climat on les a que sala que fali kotoyo faire kotoyo vous ne vous entendez pas et pourtant tu es un très bon artiste tu as une bonne carrière tu as du talent tu es bien comme homme. Qu'est-ce qui a fait que Simba t'est venu me battre? Et Simba t'est nanan? Mais je venais de citer un nom là. Au moins, si on a un quartier latin, parce que nous avons un quartier latin, on a un problème avec l'artiste. Donc, il y a un quartier latin. Si on a un quartier latin, on a un tel artiste qui a raté. On a un quartier latin. Et ça la faut. Mais dans mon avis, dans le quartier latin, nous avons un problème d'artiste monté. Donc, on a travaillé dans le calme. On a travaillé calmement. Et puis, vous avez calmement, au sol, il y a une discussion. On est dans le quartier latin, on offre à discuter d'un artiste. C'était jamais trop simple. Non, mais nous avons dit que vous avez téléphone, vous avez fait bien. Très bien, sans faute. Ah, c'est moi peut-être qui comprends très mal les choses. Très bien. Donc, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tant qu'artiste, on a un problème avec un artiste. Je suis prévenu que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as très bien. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as l'album voilà, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Celia Patou Keita Maloba na yo adorable Kembe la kanga tona litoyi Nakoya kukanga esala moli Moli monsoto Ani bembo Christian Ngani lo mabata Fongo la porte ya chemise Na yo na touche yo ta pelouse ya Veranda ya motema e c'est que les qui n'a pas zélé belé au moins il m'a ramené belé les loyaux à tous à président groupe T mais au moins le groupe là tant bas comment faire et son groupe tu es bien faire comment est-ce que vous aidez les artistes au bazar n'ayez pas évolué parce que yo moko au vivre ma ramené belé voilà yo l'homme du vie comment tu dis qui vivra verra yo l'homme du qui vivra verra bon vraiment les gens dans la zone n'ayez bien que ce qui n'a eu au moins ils t'ont banni la to bani na ba ona passe na to bani eloko ba biso na bango vraiment na ko souhaiter to zala moni lelo yo na zo bim sa ba moni lelo na za na mutema malamu ba artiste na ngana na za na bango na lingi vraiment tala kana zo atana na vraiment to vandi na zo lak sabango tala koto yemi mabe koto salibo vraiment po même ba disika o biso to leki na tikala zo atam mutu mota zo ngata e sangata ke no sala boy mais na zo rata ya ko sala moni dès le départ déjà ngamu na zo bimsa énergie na ngai ba pa kore na lo bato sala boy na zo pesa idée donc dès le départ ngamu na za na besoin ya likambo ngo quelque part ata ba onne bazana na ba yebi ke no une grande contribution et en même temps ça. Je vais vous parce que tu es trop chiche. Parce que même en intro, on a eu une animation, on a eu une animation, on a eu une animation. Je vais vous dire que je suis engagé animateur. Tu es mais quand on a beau préparer un album, mais sur l'année na concert au Beta, ils ont gardé les animateurs, donc ils ont que mutuna muta sala musala nae, mais on a sala qui on tente sur na camoro boye et c'est ngai gena sala, mais mutuna au sala musala nae na concert à Zaliro qui c'est ngai mila sala là. Ferre, est-ce que Koki Oyembe la biso au sala biso moi capé la moko na rosepela Zembo moko izalaka wa je sais plus oh babi ozambi se akoka o ka ombi se mobeso merci ou bien ombi se mobeso andi tapé o sala biso ombi se chéri nanga ni no koki o sala le ngi poe ah tala mara kangami e yali chukane le na komi kisengi nyenyisa desigrate na polingo je fais appel et personne me répond bolingo kuminga na kativite tu sais ce que c'est l'amour oye bi bolingo yani na e bolingo makasi ya so bolingo za ne modo kwa lo baka bolingo za ba faso e bele on a habité bol sorti ni na bolingo yo tuneli mai en bref bolingo yani pona yo. Il y a un lobby qui est dans la de la bolingo. Tu es bolingo, tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. Tu es dans la bolingo. La bolingo. Bah tu vas aimer que non, normalement il a bolingo. Capable d'aimer et rendre heureuse, heureux plutôt. Si prévenez ça fait 4 ans déjà. Ça fait 4 ans qu'on est à moi sinon c'est ça que nous voulons. Ça fait 4 ans vraiment les arrières non. Donc nous avons respecté pendant les Zambaloba. Les Zambaloba. Et puis c'est peine à fruit. Voilà. Oh mais ma. Caprice voilà. Caprice. Donc au lingara quoi. Elle est fort. La fidélité, ça te dit quelque chose? Si, si. Oh, yembe la taba ton kamba fidélité, hein? Si. Oh, bini. Na yemba, nze momo bona lobi. Na lingina lo banatina li bala ki lemba. Mingi to kumona kae. A kolinga kamba pali soki a monia na mo solo. E bele a pasi batulina ki sa sa bazanga ma palao. Mais tu n'as qu'à te pour un lit. Vous comprenez? Donc, il y a bien quand même quelque part à côté de la zone de la pour nous aimer la fidélité. Ça, maman, quand on a vu mon thème, les limatona Paolo, Samba Pumoué, Loti Samba Tanandota, ta maman Soussou, Gane la Linga Kamabe. Modelo comme Sanabai, Locolo Kanabai, Kala, Paolo de Souza. Kinga bolingo na pesa kie tamwa kosongi samotame komi ba problem na soku fawa liwa maito ya motote liwa madoki to ya mbelito ya masasite motabo bingo se pa walo na linga kimigie blandine ya de suza seki sangata ya sambla sokyo pime lingai. Mosuli la samata mokuwa Paolo de Souza Paolo de Souza ya blati Enga mula iyo tipe mananga yo mezire Nazangi yo Paolo mabokuwa mesona kosima Nabuloku ya mokili soto debita makafimbo Kasi nabolo kwa bolingo motemene ziprokna ye ye. Na botema bona kufana ya biasa neste kasio comme un coup, femme, on la liwana naï, Zambatiana mokili, et si l'ité. Blandine ya de Souza, ce qui s'amata ya sambla. Blandine ya de Souza, ce qui s'amata ya sambla. Ce qui ont vu Melingaï, mon souli de Samata Mokua, Mama Mounoué. C'est vrai ça. Pawala ya blandi ya mawaya. Kofi. Ouais. Fili na kitoko. Yem da sala ngote. General Fang. Yem da sala na studio. Fili na ben. Yamawa, yamawa, yamawa, ey. Bongisa, ma yamiso, wako lela, ma ye. Papa loko la yosundoli ngai boye. Ako lela ngona sambe na ngai. Oya kotsi ya ngai logo kwe. Ona tomo mae na nyambo ye. Chef Teddy. Yoka siko yoba na lemba ni foto zo yemba Claude Tembe Junior Soki na golela bizoli na bai balobi ne boko famusa kaite tokango na papa tandi sana bolangi lobi ba ya kola kisaba shivise c'est vrai ça sala mo bateste ba ya batende na mo tambo mo susu na bale ya meki album na ngeto na na bilanga Si basso va comme ma voix, d'autres si le façon est ton anaba numéro va téléphone, quasi ce qui n'a pas de vie. Occupé, la banza qui est sous Gawanzo, qu'à premier épisode, si t'es fait la digue, il est sous un paolo. Tu m'as dit pas mal. On lui fait Allo ba kina ngana zela ya kutunga u Kai butu mi mana la lite se va panse Eric Bembele Beba wa bufere, beba wa bukola Beba ngyalichi, hei wa batatu Batu balo baga ofere Ala wa fier Eza nina ngai Suki na sulu bate na nubakate Et les gens qui ont été fiers. Parce que les gens qui ont été fiers, ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont été fiers. Ils ont Et ça n'est pas maï. Ce qui n'a pas le bâtiment, on a le bâtiment. Et les gens qui ont le bâtiment, ils sont fiers. Ce qui n'a pas le bâtiment, va robiner vos copains, vous savez. Togango non copo, toni sana molangi lo viva ya gola giza ba jimbizi. Asalango bate se va yeva tener rango, tango mo suze zana vale ya mergi. Ma passe a voli mona di mio. Ouais. Fais le lombe. Papasi abolingo nandi miyo kangata mawalola mukulu mamba Afrikanela Na mituni na yawe swa kipeko umela bolingo yonate limiso Kaina we kwa klei buna premier arindo ngamba namba Istia sambia kuya sitele wateko Soki nangolela pizoli nangai Palo bide boko kongo kongo kongo kongo kongo kongo kongo kongo kongo kongo kongo Je suis Sugia wanzo ka premier episode si te vena tigeli de Sousa Paolo Chiva wato ya mwanangani de Sousa Paolo Nakata tumi kubiense ya mwana mama de Sousa Paolo Hey hey hey hey mwana betwe de Sousa Paolo Nakata tumi kubiense ya mwanangani de Sousa Paolo Vana lembe vana betu de Sousa Paolo Vana ngabe vana betu de Sousa Paolo Vana batete nine ya mwanangani de Sousa Paolo Vana nine mwanangani de Sousa Paolo. Alors, Fer et Chair de Poule, Sens Interdit, groupe Gola Musique à Nord, au Boito Pessa Combo. Donc, en ce moment, c'est un orchestre sans nom. Voilà. Hein? Un groupe sans nom. Souvent, on comme. Il y a un groupe. Il y a un groupe. Il y a un groupe sans nom. Tout le monde a sans nom. Un groupe. Voilà. Il y a Ferré. Et puis, quelle chance, il va comme là, mon bralima, il fait. Donnez quoi là, tu nous souviens de Baba Malamouté. Pourquoi pas pour Benga ton ami et frère Fali? Parce que ça va bien, un jour ou l'autre, on se retrouve dans le monde comme ça. Il y a des questions qui sont là. Mais déjà, dans la salle d'émission, il y a des titres aussi ici. Il y a une bonne relation avec tout artiste. Après, il y a souvent des salles déjà trois fois. Il y a voyageant dans l'avion, il y a vieux monde. Tant on a quitté qui ça, on a bien arrivé dans Rambo, on a bien souverain, on a bien arrivé. Souverain, tout ça groupe, parce que vraiment j'ai l'impression que ma relation avec les gens clean. T'es un azolo bas. Autant que tu as qui ça, vraiment je suis libre de faire tout ce que je veux. Tu es en Europe, faire est en Europe, Wera est en Europe. Il faut de temps en temps groupe, c'est moins beau, ça va bien. Non, il n'y a pas de problème. Ça vient en Haïti. On a reconnaître rien à TV. Et là, on est au sein de la zone qui est en Europe. Ils ont embêté. Sauf que quand il y a eu, il y a eu un peu de ça, et tout ça, il y a eu un peu de voilà. Donc, vraiment, c'est un bah, grand frère. On dit que l'on a l'opi, ça ne peut pas qu'on s'inquiète. On a dit que l'on a l'opi, on dit que l'on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a l'opi, on a Losambo ya batoma be pasenga kama kilona Yesu e kitela bango Saint Esprit na sola masanga mayokala kate makolo makote Bazela. Merci. Merci. On est là, oui, voilà. Voilà, Saint Esprit na sola masanga bayokala kate makolo makote. Donc zembo ona ba pasteur ba banga tena imbe. Ba banga oyembe oyembe bante. De toute façon, il va ça dans ta bouche. Tout ça est bon. OK. Donc, merci ba mbote ya trop na ba tutu. Et na pesse ba misé na ngai, ba misé na ngato mbote, ba misé na ngato en général et notre secrétaire Papi Kabemba et les autres. Un autre conseil ko ki ma ta presse parce que il paraît que tu as la réputation ko ki ma ta presse. Bon, on a profité na golo ba. Lolomi lolomoni de to sali boye. Ngana za artiste. Nazara pina ba occupation na bosa. Journaliste, ba misusu ba limité. sont à Bengio, oui, vous savez que nous dans un contre-temps. Balingo supporter à moitié. Les gens, les journalistes, les moussous, oh, les journalistes, il y a des musiciens, des foutiers, des bons, des bits, des follow, des rames, des naïfs, des TV. Alors, moi, je suis venu à tout ça, sauf que je suis venu à la distraction. Et ça va distraction. Nous, le lobe, on a regardé au 5 émission, on a appelé à contre-temps, on va comprendre. Mais, bah, nous sommes sous comprendre. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, exactement, qui m'a rabattu. On dit de toi que tu es trop opaque quand même. Mais quand au fond, ne mais non, on a un caractère, on a un botama chimie, dans le baraminité, on a un mouton à sonner. Donc, les années, on a un bassel. Ça va. Merci à toi, merci, Ferré, Lolo. Cher de poule. Merci. Moi, je bien. T'appellerai de ton nom. Hervé Gola. Hervé Gola. Oui. Et bien de bonnes choses qu'on a, bon, on a eu sans interdit. Et que aucun des cas à Liboso. Merci. Mais voilà, beaucoup plus de promotion en Afrique et partout. Merci. Merci. Laisse-moi danser, y'a pas beaucoup, jamais d'envie. Fais-moi danser, bêta bêta, jamais d'envie. Toi, comme il oh, second lover, aux très bon, très bon amour. Ventivité, sotona maï, complice à rythme et sotona yoé. Sokyo telemi, Sokyo kalimi, Sokyo fukami, Sokyo. Sokyo zobe maï, Sokyo telemi. Sokyo telemi, Sokyo kalimi, Sokyo bumami, Sokyo zombi mangai. J'ai retrouvé Gouya caresse peine à sentiment. N'a pas qui si voli mon assali na yo. Jamais ta vie. Fais-moi danser, bêta bêta. Jamais ta vie. Au premier rang, la maman comme ailleurs. Anita. Merci. Restaurant Les Parisiens. Chez Monsieur K. Mukendi Kenzo vous offre un cadre idéal pour vos repas privés, vos repas d'affaires et autres dégustations de la saveur exotique. Au 205 avenue du Président Wilson, à la plaine Saint-Denis, restaurant Le Parisien, c'est la consécration de la cuisine africaine. Avec plusieurs plats variés de la marmite congolaise, la casserole de la maman africaine. Au restaurant Le Parisien, vous êtes le bienvenu avec un accueil plein de convivialité. Pour toute réservation, composez les 06 21 15 10 75. Au restaurant Le Parisien, chez Monsieur K. Mukendi Kenzo, 205 avenue du Président Wilson, la plaine Saint-Denis. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon appétit. au restaurant Les Parisiens. Biloko Kulia et Lingimoroboye. Thé rapide en agence Yassica, fret aérien et maritime, envoi des colis et courriers. Un thé rapide, aïe, n'a pas pris à ma l'amour. Nico Mokondi, Nico Mokondi. Togoloba, Nini. Nini, Oezali, il faut Togoloba. Bah franchement, un thé rapide, c'est pas mal. Hein. Et j'ai aimé parce que j'ai envoyé un colis très précieux, très important. Pour un de mes oncles là-bas chez moi, et c'était très rapide. J'ai téléphoné après quelques jours, et c'est arrivé sans dégâts. Oh, dans mon agence, mais hé, la tini va boire 2 jours et bien les commis chez Nico Mokondi. Il est tout l'agence à Belgique. Carré. Agence à solo inter rapide, la tini de Biloko est commis sans problème, bah habité. Donc, si on est à Biloko, place à Siro Bleu et commis sans problème inter rapide. Bon dia, botarde. Inter rapide à Nico Mokondi. Donc, ils allaient fret, il y a Biloko pour l'Angola. Donc, ils sont là à Bruxelles, battu Angola, Boya et Belé. Au Pessilelo, après 2 jours, ils sont en Angola. Inter rapide sur la chaussée des Waves, numéro 99, l'agence la plus sûre. Mikolo, et l'eau rabbi Ezan a raté à Bruxelles, la chaussée des Waves, numéro 99, la commune à XL. Oui, monsieur Ezanini, Inter rapide, Tinamangou et Pesokoma. Inter rapide, Chenico, c'est la meilleure. Yanniko Mokunzi, on est à Pinasoko, tché, 100% Koma, pour un mois, la minute, on a autotika, la Bengikin, déjà. On a la 12e fois, on a tiré à Gana, et puis Koma. Bien. Basi mi bali ba massa, on s'est fait le lobby après 2 jours quoi, basi la kin. Le Maroc et l'Afrique près de chez vous, efficace et rapide et très sûr. Inter rapide, il y a Nico Mokondi. En tout cas, agence Moro n'a évité. Ça m'a étonné pour n'acheter le lundi. Nati na kin lundi, et puis que m'écrit ma benga qui commis. Nakamwe. Inter rapide, système à mystique, livraison à domicile 3 jours après. Avec système ADHL, rapidité. Un thé rapide, Isali Assurance P rapidité. Un thé rapide, agence Nabiso Nyoso.